qu'elle abîmait parce qu'elle a trop vécu. C'est des amours brûlés du côté des frangines. Sur pavé marseillais, c'est toi qui n'en peux plus. Papillon qui se ramasse avec sa cocaïne. Dans un camion déglingue, rock'n'roll la mort. Sur des scènes le soir, dans des ambiances bizarres. On tire sur les étoiles, étrange corps à corps. On flingue dans la nuit à la lueur des phares. Y'a du rock à Pigalle, paraît qu'on est des loups. Y'a la vie qui se trimballe du côté du Pecos. C'est la nuit des bikers, le soleil des voyous. Un peu de sang sur la lune, on est tous des gravos. Black, black. C'est la Caroline Stone sur la radio FM. Au bout de notre errance, on éclaire la nuit. Petite pluie dans le noir du côté de la Bohème. C'est une Stratocaster qui joue Satriani. Black, black. Sur pavé parisien, c'est la môme aux yeux noirs. Un amour qui se balade du côté de la tendresse. Un accord de guitare pour blesser ta mémoire. C'est l'amour qui se traîne en volant du HS. Le soir c'est Dillinger qui te gueule cocaïne. Au matin tu te réveilles aux portes de l'enfer. Tu découpilles une bière à l'ombre d'une copine. T'es qu'un soldat perdu au milieu de tes guerres. Black, black. Y'a du rock à Pigalle, paraît qu'on est les loups. Y'a la vie qui se trimballe du côté du Pecos. C'est la nuit des bikers, le soleil des voyous. Un peu de sang sur la lune, on est tous des gravos. Un peu de sang sur la lune, on est tous des gravos. Un peu de sang sur la lune, on est tous des gravos.